réel. Et automatiquement, ces hommes entreront dans une autre dimension. Qu'il existe sur la Terre deux dimensions parallèles, une physique et une éthérique, ça, c'est pas grave. Mais qu'il y ait sur la Terre une dimension éthérique, c'est extrêmement important, parce que c'est de la dimension éthérique que la dimension physique pourra continuer à progresser. Mais tant qu'il n'y aura pas, sur la Terre un cercle invisible d'êtres humains, il n'y aura pas sur la Terre de vie possible à l'avenir. Alors, chaque homme, qu'il soit de n'importe quelle nation, de n'importe quel âge, de n'importe quelle doctrine, doit éventuellement se servir de lui-même. Jamais des autres. De lui-même. Se servir de lui-même à volonté. Et lorsqu'un homme se sert de lui-même à volonté, il se sert de l'infinité. Et ce sont ces hommes-là que je recherche dans tous les pays du monde et que je trouverai. Et ces hommes-là, je les amènerai ensemble. Et je formerai le gouvernement invisible. Mais les hommes ne sont pas tous disposés à la même fréquence. Les hommes n'ont pas tous la même capacité d'absorber l'énergie. Mais ceux qui ont cette capacité d'absorber l'énergie se retrouveront sur un autre plan. Mais en attendant, il faut que l'on vive, il faut que l'homme vive. J'ai aucune substance en moi-même qui me permet d'aimer les faibles. J'ai aucune substance en moi-même qui me permet d'aimer les faibles. J'ai aucune substance en moi-même qui me permet d'aimer les faibles. Parce que j'ai aucun sentiment en moi-même qui me permet d'aimer l'homme ancien. Et tout ce qui est faible dans l'homme doit être renforcé et tout ce qui est fort doit être extrait du feu qui s'abattra sur la planète. On ne réalise pas souvent la profondeur de certaines choses qui ont été dites dans les anciens textes, comme dans la Bible, par exemple. Comme dans le cas de Noé. Noé qui se fait dire, bon, amène ta famille, tes enfants. Là. Ou l'autre qui se fait dire, quand même restera un, la Terre sera pas détruite. Et tant qu'il y aura un homme conscient, la Terre ne peut pas être détruite. Mais si il n'y avait pas d'homme conscient sur la Terre sera détruite. Et quand je dis d'homme conscient, je ne parle pas d'homme spirituel. Je parle d'homme conscient. Alors, à la fin du cycle, des hommes conscients, il y en aura suffisamment, pas mal. Pas beaucoup comparé. C'est une base de pourcentage, puis il n'y aura pas mal. Et comme l'homme entre dans un nouveau secret, c'est-à-dire que l'homme entre dans une nouvelle science, automatiquement, ce qui viendra après ce cycle sera tellement, tellement vaste, tellement grand, tellement parfait que on ne pourra plus parler de l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux de la terre. Parce que l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux de la terre, c'est l'âme. Et les eaux de la terre représentent l'esprit des hommes. Une fois que l'homme aura été détruit dans un certain nombre d'hommes, il se reconstituera automatiquement dans les terres une... c'est pas une civilisation, mais un groupement d'hommes qui créeront une civilisation. Une civilisation tellement avancée que l'homme pourra voyager de la Terre à n'importe quel point cardinal de l'espace, à volonté. Et lorsque l'homme pourra voyager dans l'espace à volonté, l'homme ne pourra plus contempler comme il avait fait avant son humanité. C'est-à-dire que l'homme ne sera plus intéressé à l'homme. Il ne sera intéressé qu'à la forme. Aujourd'hui, on est intéressé à l'homme, on est intéressé à l'homme par le biais du gouvernement, on est intéressé à l'homme socialement. L'homme ne sera plus intéressé à l'homme parce que l'homme sera parfait. Et l'homme étant parfait, l'homme ne sera intéressé qu'à la forme parce que la forme sera la manifestation de son intelligence. Et la forme étant créée par l'homme dans ces mondes-là, deviendra le temple même de sa puissance créative, c'est-à-dire de la civilisation. C'est à partir de ce moment-là que la civilisation de la Terre possédera un numéro. Que ce numéro sera classé. Dans l'esprit de tous ceux Ceux qui pourront comprendre ce numéro seront capables de faire ce que les dieux dans le passé faisaient pour l'homme. Mais le faire non pas pour l'homme, de la perfection représentera le plus grand quoi? Perfection de la perfection représentera quoi? C'est ça. Lorsque l'homme aura vécu la conjonction entre lui-même et l'intelligence, l'homme sera quoi? Créateur. Et lorsque l'homme aura commencé à créer, il deviendra quoi? Ok, avançons. On tient ça. L'homme deviendra quoi? Avant ça. Avant ça, non. Non. Hein? Non. L'homme deviendra quoi? L'homme deviendra quoi? Non, avant ça. Après ça. L'homme deviendra un point de lumière. Et ce point de lumière permettra à l'homme d'éclairer quoi? Le monde inférieur. Le monde inférieur. Et de faire quoi? De ramener vers la lumière. Avant ça. L'homme est en lumière. C'est quoi, c'était quoi ma question? Il pourrait mettre un point de lumière. Permettre quoi? C'est permettre quoi? La création de d'autres mondes. Et ces autres mondes seront supportés par quoi? Par? Par la lumière dans quoi? Dans par la lumière dans quoi? Dans moi, je peux pas le dire, c'est toi, je suis obligé de pas ça. Hein? Dans j'ai perdu ma question. C'est quoi ma question? Créa, c'est d'autres mondes dans la lumière. Dans quoi? Créa d'autres mondes par la lumière? Je t'ai dit par la lumière dans quoi? Dans l'absolu. Dans l'esprit de ce. Mais l'absolu. Et l'absolu sera quoi? Parfait. Ok, avant ça. Tu redis? Hein? Non. Non. Éternel. Éternel. L'absolu sera éternel. Et lorsque l'absolu sera éternel, il se fera, il se manifestera quoi? La perfection de Dieu. La perfection de Dieu. Il commencera à se manifester, la perfection de Dieu. Et lorsque la perfection de Dieu commencera à se manifester, l'homme apprendra quoi? Le mystère de Dieu. Et lorsque l'homme apprendra le mystère de Dieu, il aura appris quoi? Il apprendra qui est Dieu. Qui est Dieu. Et lorsque l'homme apprendra qui est Dieu, il découvrira quoi? Qu'il est lui-même. Qu'il est lui-même Dieu. Non. Qu'il est une partie de Dieu. Je veux plus précis que ça. Qu'il est une des manifestations de Dieu. Une des manifestations. Une des manifestations. Mais c'est pas exactement le même que je veux que ça sorte. Qu'il est une partie de Dieu. Non. Un complément. Un attribut. Un attribut, un complément de Dieu. Extension. Dans Dieu. Tu auras quelque chose de manifestant. J'essaie d'avoir quelque chose de... Une réflexion de Dieu. Oui. Puis lorsque l'homme se réalisera comme étant une réflexion de Dieu, il aura la capacité de déterminer dans le temps tous les espoirs de la lumière, tous les espoirs de l'intelligence. Et les espoirs de l'intelligence sont extrêmement nombreux, naturellement, mais les espoirs de l'intelligence sont quoi? Les espoirs de l'intelligence, c'est de créer des mondes tellement parfait que même l'intelligence ne pourra jamais quoi? Les détruire. Ces mondes-là ne pourront jamais être détruits. Il est là le point. Jamais être détruits. Jamais, jamais, jamais ces mondes ne pourront être détruits. Et quand des mondes ne peuvent plus être détruits, ça veut dire quoi ça? Ils sont perfectionnés. Ouais, mais ils sont infinis. Ils sont infinis. Puis encore d'autres affaires. Autrement dit, j'essaie de vous faire parler pour vous sensibiliser à ce que vous savez, mais à ce que vous ne comprenez pas, pour vous faire réaliser la grandeur de l'âme, la beauté de l'intelligence, la grandeur de l'intelligence et l'importance à l'homme pendant un certain nombre d'années de subir le choc vibratoire de l'intelligence en lui. Fait, quelles que soient vos souffrances, si vous pouvez subit le choc vibratoire de cette intelligence et de le supporter émotivement et mentalement, vous comprendrez éventuellement ce que vous avez à comprendre. Autrement dit, le fait d'entrevoir la beauté de l'intelligence nous permet de subir, d'assumer la souffrance comme nous l'autre. Mais il faut l'entrevoir. Il faut la sentir. Il faut la... en nous autres mêmes. C'est notre seul soutien. On n'en a pas d'autre. On en vient à aimer le processus. On en vient à réaliser l'importance du processus. On en vient à réaliser l'importance du processus. Je me rappelle durant l'initiation, quand j'allais voir des amis qui ont passé une certaine période avec moi, j'étais en très grande souffrance, puis j'allais voir, puis je leur disais, c'est important la souffrance. Pendant que moi je souffrais, je leur disais, c'est important la souffrance. Donc dans ma souffrance, j'avais assez de lucidité pour leur dire, c'est important la souffrance. C'est ça qui aide l'homme à voir quand il rentre dans son lit. Moi, je peux pas. Je suis extrêmement limité dans ma matière. Alors, je peux pas. Je peux pas vous transposer certaines choses. Je peux simplement vous parler pour soulever, élever les vibrations de votre propre esprit pour que vous en veniez éventuellement à pouvoir déchirer le voile qui sépare votre émotion, votre intellect, de votre supramental. Et après ça, bien, une fois qu'il est déchiré, ce voile-là, vous êtes capable d'assumer le mouvement. D'abord, vous savez que vous n'êtes jamais seul, il y a des choses que vous savez, puis c'est de ça que vous vivez. Voilà. On va-tu manger? Des faire quelque chose qui est nécessaire et qui est essentiel, même si ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde tout de suite. Je vais demander à Guy Croteau de nous parler à Lille. Je ne sais pas exactement encore pourquoi est-ce que je le fais, mais je sais qu'il faut que je le fasse. En public, si on n'a pas quelque chose à dire. Puis pour avoir quelque chose à dire, il faut être tant soit peu dans son intelligence. Puis il faut s'oublier complètement. Le secret de parler en public, c'est de s'oublier complètement. Ça, c'est le secret. Si on ne s'oublie pas, on est dans notre personnalité, puis ça influe sur notre intelligence. Moi, j'aimerais ça participer, être dans l'audience, être dans la salle. Puis, amener Croteau à amener Croteau plus loin que sa personnalité lui permet de parler. m'asseoir, je vais te parler. Tu es beau dans le dos, tu es beau là? Je viens de m'installer pour vous voir un peu. Je pourrais baisser de quelques quartiers de bois, mais... Enfin. Il n'y a pas à dire, il fallait que je prenne réellement le coussin. Y a-t-il un sujet lequel vous voulez... Vous voulez poser une question précise? Quand tu t'adresses au public, on t'entend souffler beaucoup, ça dépend de quoi? Ça dépend que quand tu apprends des respires profonds, c'est pour réellement te vider de les vibrations astrales qui peuvent être intérieurement de toi. Ça peut aider à t'exprimer ce qui ne vient pas de toi mais qui passe par toi-même. Ça calme tes émotions pour ceux qui en ont. Puis je peux vous dire que moi je n'en ai encore. Si vous remarquez ça, c'est parce que c'est une question qui devait être utile à être posée, non seulement pour toi mais pour d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que Bernard a laissé sur le sujet tantôt, est-ce que quelqu'un s'en rappelle avant le lunch? Là? Quand on parle de l'éther de quelque chose, là, c'est les premiers gaz d'une chose qui sert à former la matérialité de la chose. L'éther. L'éther, c'est un des premiers produits subtils qui provient d'un monde de lumière qui sert à former les mondes visibles et invisibles dans le monde matériel, l'éther. Éthérique, c'est encore plus subtil, c'est encore plus fin, c'est encore plus près de la lumière, c'est une substance à laquelle on peut se servir pour former, modeler n'importe lequel des corps qui existent dans le monde invisible, est visible et matérialiste. Les corps que l'on forme avec cet éther-là, ils sont sous votre décision de les reproduire ou de les détruire et vous en êtes entièrement responsable. Vous avez entièrement autorité sur ces corps-là. Ce ne sont plus les mêmes corps qui ont été formés par le monde luciférien de la création. Ils sont exactement semblables, mais ce qu'ils ont de plus, vous avez un contrôle absolu dessus. Est-ce que tout ça, ça se passe ici? Oui. Ou non? Ça se passe pas dans ce monde-là. Ça se passe ici en montant. Oui, oui. En disant ici en montant, est-ce que vous voulez dire que vous sortez d'ici puis tu halles? Non, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est un instantané. c'est pas une chose qu'on pense, c'est pas une chose qu'on va dire on va faire, c'est un instantané qui provient de l'intelligence qui peut faire. Les mêmes corps à lesquels vous avez expérimenté matériellement votre vie, mais vous êtes, chaque corps que vous avez, si on parle des corps physiques, astral, causal, mental, éthérique, y compris le corps d'âme, ce sont tous des corps qui sont pris dans des champs magnétiques à différentes hauteurs vibratoires dans le monde de la création. Et celui que vous formez vous-même avec l'énergie éthérique n'est pas retenu par aucun champ vibratoire dans ces mondes de création-là. OK. Mais ça, c'est éthérique. Mais l'autre énergie, c'est pas formé là-bas. C'est là qu'il faut que tu alloques. De quelle énergie? Explique quoi plus. Mais tu parlais de deux. L'éther. Le mot éther, vous allez dans un laboratoire de chimie, qu'est-ce qu'on vous apprend avec ce mot-là? C'est un des premiers gaz de base qui forment les choses qui sont là. L'éther d'une chose, mais le monde éthérique, enfin, c'est beaucoup plus subtil. C'est le matériel qui vient, qui entoure enfin pour l'homme, la possibilité de recréer des corps avec cette énergie-là qu'on appelle le monde éthérique. C'est une substance qui provient de la lumière, qui est très subtile, qui peut servir à l'expérience de la conscience de l'individu pour ne pas être prisonnier du temps et de l'espace avec ce corps éthérique-là. Avec vos corps réels qui ont été créés, vous êtes prisonnier des champs magnétiques de chaque corps, dans les endroits où ils ont été créés, parce que les corps ont été créés à partir d'en haut, en baissant. Si on dit le corps d'âme, la substance éthérique, le corps mental, si vous avez un corps causal de mémoire qui est responsable pour vos incarnations, mais après ça, vous avez le corps astral qui sert à mouvoir toutes ces consciences-là, et à partir de là, ils ont été créés le corps le plus matériel qu'on appelle le corps physique. C'est dans la conception du monde que l'on vit. Est-ce qu'il y a autre chose sur ça? Oui. Ce qu'on appelle les animaux, les plantes, est-ce qu'ils ne sont pas créés à partir d'un moule au niveau, à ces niveaux-là? Ce qui fait qu'on a tout le temps un chien qui devient un chien, un chien qui devient un chien. C'est tout créé dans le monde astral, ça, sur un dessin qui est fait. Le dessin existe dans le monde astral pour parler de choses. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un choix qui est formé, ben, ça part d'une espèce de moule qui existe. C'est fait ainsi, là, si on a un modèle de fait en astral, là, on continue à créer dans l'astral. Et cet effet-là descend dans le monde matériel. Alors, il suffit qu'il y ait un modèle pour qu'on puisse avoir toutes les descendants. Pas nécessairement. On ne doit pas voir ça comme ça. On ne doit pas voir ça aussi simple que ça. Parce que l'astral à l'intérieur d'elle-même, là, même si c'est un monde de mémoire déjà conçu longtemps d'avance, ils ont toujours à l'intérieur de leur forme astrale, une forme de moyen de changer les choses subtilement. Mais si on regarde l'affaire en arrière, c'est toujours la même chose, mais qui est changée subtilement. Un exemple, je pourrais te donner, si tu pourrais reculer dans le temps de la création des oiseaux ou du monde, tu vas t'apercevoir qu'il y a une évolution. S'il y a une évolution dans le monde physique, une évolution dans le monde astral, mais ce n'est pas nécessairement une évolution qui est intéressante. C'est une évolution déjà conçue depuis longtemps puis qu'on est en train d'expérimenter. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose qui va aller très haut, c'est quelque chose de déjà qui nous dépasse en tant que mental bas, mais c'est un cycle de mémoire déjà connu à l'infini pour ceux qui ont la conscience. Puis le monde animal, en passant, il est créé là pour servir l'homme. La même chose que la plante sert à l'animal, l'animal sert à l'homme, puis le végétal sert à la nourriture. Puis comme on a parlé tantôt que l'eau, c'était réellement les atomes des âmes qui sont en évolution, c'est réellement de l'eau. Sur les plans, si vous allez dans le monde éthérique, vous allez voir des grandes mers, des grands lacs, des grands courants. Et ce sont tous des arbres en évolution. C'est comme exactement comme de l'eau sur le plan physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ce sujet-là? Oui, les créations sont faites par l'homme au niveau éthérique. Quelle est la consistance? C'est juste la lumière ou si c'est ça, mettons, quelqu'un, mettons, un être humain là, qui a la possibilité de créer, mettons, pour dire une corde. Si cette corde-là venait. Est-ce que c'est comme là d'avoir le cycle et de devenir une graine, puis devenir un arbre? Est-ce qu'elle a la consistance, je dirais, de la création aussi? C'est une forme pour le plaisir ou la satisfaction de l'homme qui peut créer? C'est... Quand... la création, c'est quoi la consistance là, par rapport à l'univers? Ben, ta première question est partie de l'homme. Tu me dis, quand l'homme crée... L'homme qui crée au niveau éthérique, l'homme qui a le pouvoir de créer. Il crée des substances, des personnages, des objets. C'est pas nécessairement l'homme qui crée, là. C'est pas nécessairement l'homme. L'homme est réellement pris dans un module de création qui subit jusqu'à temps qu'il s'en sorte. Ça. C'est pas nécessairement l'homme qui crée ça. C'est une intelligence beaucoup plus forte. Quand on parle de l'homme, il faut bien s'entendre. Il faut parler de l'homme lumière absolue. Il faut parler de l'homme comme on est ici, là. Tout ce qu'on fait, nous autres, dans notre création, on se crée beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Parce qu'on pense beaucoup, on s'imagine beaucoup, et puis on pense qu'on est des créateurs parce qu'on a construit une nouvelle maison ou on a fait une nouvelle automobile. Non, on a simplement reçu des mémoires à partir du monde astral de faire ceci. On n'est pas des vrais créateurs. On subit encore le monde de la pensée, le monde de l'invention. Si vous avez remarqué, ça arrive jamais ou presque jamais à un seul être sur la Terre d'avoir une idée en même temps ou tout seul. Il y en a un au nord, au sud, il y en a un en Espagne, il y en a un aux États-Unis, il y en a un en Russie qui a inventé la même chose que l'autre a inventé. Ou si l'autre n'a pas parfaire son invention, il a eu la même idée. Mais c'est une longueur d'onde, c'est une onde vibratoire qui est lancée à partir du monde astral pour faire croire aux hommes qui ont inventé quelque chose. Puis ça développe leur orgueil, puis leur vanité, puis que ça finit par des systèmes de guerre comme on connaît. Ils sont très rares, les hommes qui peuvent réellement créer, si on peut appeler dans sa pureté le mot créer. Il y en existe. C'est très rare. La plupart des humains qui créent des choses, c'est tout simplement une pensée qu'on a fait passer à travers eux. Puis le but, ils ne le connaissent même pas. Les gens qui le font, oui. Les êtres invisibles, ils savent pourquoi ils le font. Mais l'homme qui le fait, souvent, il ne le connaît même pas. Lui. Et souvent, ce qu'il va dire que ça va faire, ça ne fera pas ça. Les plus grandes inventions ont été sorties quand l'homme ne pensa pas qu'il était dans la lune, ce qu'on appelle l'eau. Chaque fois qu'il jongle, il n'a pas trouvé grand-chose. C'est quand il est arrivé entre deux jonglements, assez fatigué pour ne plus penser, là, il est arrivé à une idée du génie, qui a pensé que c'était une idée du génie. Mais c'est tout simplement une idée qui a été infusée d'un monde de vibratoire plus haut. Mais c'est encore du monde de création, par l'imagination du monde astral. Mais s'il sortait, il y a quelque chose d'intelligent. Je veux dire, pour lui, qu'il trouvait ça intelligent, il le détruisait dans le monde. Moi, je vais te faire rire là-dessus. Quand l'homme a inventé quelque chose d'intelligent, il paraît que c'est sa femme qui avait fait penser. Oui, ben c'est ça. C'est parce que lui ne conçoit pas la vraie réalité de sa pensée dans sa pureté. Il en reçoit simplement une vibration assez basse qui le flatte dans son ego. Puis c'est là qu'il développe de l'orgueil ou qui veut remarquer aussi qu'il y a le côté l'homme invente une chose puis la femme en dispose et, des fois. Je voulais vous dire quelque chose au sujet de... On parle souvent de l'homme puis de la femme, puis Bernard a déjà parlé que la femme étant un homme, puis il a déjà dit aussi que la femme était plus intelligente que l'homme. Il y en a des femmes. On va repenser ça vite. Je veux pas absolument pas reprendre ce que Bernard a dit. J'avais dit moi ce que j'ai à dire sur ça. Dans le monde de la création physique, l'homme a été conçu de façon à être un pilier à partir d'un pôle de création. C'est un pilier comme on construit un temple. Quand on construit un temple, ça prend une bonne fondation. On ne va pas construire ça dans la boue ou sur un sable mouvant. Alors, l'homme est conçu comme ce qu'il y a de plus solide dans la création pour son pôle. La femme, par contre, on lui a donné l'intuition, on lui a donné beaucoup d'intelligence, mais ne peut pas faire nécessairement grand-chose avec si c'est pas passé par l'homme. Faut pas partir tout de suite avec ça. À cause que dans les incarnations, la femme a été un homme, puis l'homme a été une femme. Si c'était contenu dans une seule et même intelligence, ça serait pas drôle de voir ça, parce qu'on voit ça dans un... La femme a une énergie qui est très très forte, et l'homme aussi. Et ils sont pourtant contrairement opposés, continuellement. Et quand ils se rencontrent, ils créent réellement quelque chose qui a de la valeur. Et quand ils sont complètement en accord, toutes les deux, ils ne créent pas nécessairement une chose. Ils jouissent de la chose. Mais quand il y a une opposition, qu'il y a quelque chose qui contrarie de l'un à l'autre, ça forme la volonté des deux, ça développe l'intelligence dans les deux, et ça fait quelque chose de créateur pour eux. C'est pour ça que un certain pouvoir a été donné à l'homme que la femme n'a pas, et aussi une certaine intuition a été donnée à la femme que l'homme n'a pas, pour qu'il soit obligatoirement obligé de s'échanger ces deux polarités-là. Sinon, on n'aurait pu créer qu'un être unique, ce qui a été raconté au début des temps, qu'on avait créé une femme comme ça. Ça, c'était un petit peu pour expliquer un petit peu les gens qui étaient un peu mal à l'aise, là, que ça avait été voulu, remarquez bien ça. Quand il avait été dit que la femme était plus intelligente que l'homme, ça reste vrai, mais... C'est vrai. Ça reste vrai. Parce que la femme a en elle processus, tu sais, le processus du développement de la forme, de par le fait qu'elle peut enfanter. Comprends-tu? Fait qu'elle aurait dans ses corps le processus de création de la forme que l'homme a pour. C'est. Non, c'est-à-dire que c'est vrai ce que vous dites là. La femme, elle est responsable beaucoup de choses. Même la Bible dit que par son histoire, que c'est elle qui avait eu la fameuse idée du serpent puis de la pomme. Faut pas lui dire qu'elle n'était pas intelligente. Elle s'est aperçue de ça avant l'homme. Mais pour dans l'histoire, pour revenir à ce que tu veux dire, c'est que mutuellement, faut que l'homme et la femme dépendent dans ce monde de création-là pour leur évolution un de l'autre. Je ne dis pas que toi, tu dépends seulement de ton mari ou toi de l'autre. C'est pas ça, je veux dire en tant que polarité. Alors que j'ai dit tantôt que l'homme était réellement la base fondamentale ici dans le monde terrestre ou autre de la création est réellement la base pour soutenir tout ce qui se contient. Mais par contre, comme la femme un jour est devenue un homme, faut pas dire un mieux que l'autre. Mais la femme, elle sert réellement à ça. OK. Il y a un point que je veux faire, ça c'est bien important. Dans les années à venir, quand il y a des gens qui vont pouvoir vous répondre, pouvoir vous parler. Ils me disent que ça va être important que vous leur demandiez les questions à partir du même taux vibratoire que vous me demandez les questions. S'il y a des sortes de questions que vous me demandez, moi j'ai établi comme une cote de vibration. Voilà. Comme j'ai élevé la vibration à suffisamment haute là, pour que vous ne tombiez pas dans les niaiseries. Une vibration là. Bon, mais il faut que si vous demandez des questions à quelqu'un, il faut que vous partiez toujours du même niveau vibratoire que vous entretenez quand vous êtes avec l'autre. Ça, c'est bien important. Parce que si vous ne faites pas ça automatiquement à cause des lois vibratoires, vous avez l'énergie, votre dégénérer. Ça, c'est dans vos mains, vous autres. C'est pas dans ses mains, lui. Parce que lui, il est là pour répondre. Il y a une vibration pour répondre. Mais vous autres, vous devez générer en lui la vibration de la réponse. Et vous pouvez générer en lui la vibration de la réponse selon le baromètre vibratoire que j'ai établi dans nos rencontres. C'est bien. Mais comment ça se fait que ça s'est produit là? Ça s'est produit parce que vous n'avez pas autant confiance dans la nature de ces réponses que dans les miennes. Et là, votre erreur. Donc, automatiquement, vous avez tendance, c'est un automatisme, à diminuer, pas la qualité de la question, mais la vibration. Lui, il ne peut pas vous parler comme moi je vous parle parce qu'on n'a pas les mêmes personnalités, ainsi de suite. Mais il peut vous parler avec la même intelligence que moi je vous parle. Moi je le sais. Ça c'est bien, bien important. Sans ça, vous allez sentir une fatigue. Quand vous êtes avec vous, vous ne sentez pas de fatigue. Si vous ne générez pas la même vibration dans vos questions avec lui, vous allez sentir une fatigue. Automatiquement, ça voudrait dire que vous n'êtes pas prêt à pouvoir recevoir de l'information de lui. Vous êtes comme un système communicant. Il y a une relation vibratoire entre vous autres et lui. Le système communicant, il est fondé sur votre capacité de ne pas parler avec trop tôt, de parler à l'intelligent. Automatiquement, comme il dit dans l'anglais, you have to shoot for the for the star in your question. Aim for the top. Aim for the top. Don't aim for the middle. You have to aim for the top. Une question? Est-ce que Eddie, tu peux nous parler de l'agressivité? Tu veux donner plus de vibration à ta question. Quel sort de genre d'agressivité? En tant que toi, tu dois jamais demander à quelqu'un.